demandais ton avis sur quoi que ce soit, sur l'état des toilettes dans les autoroutes. Plus aucune contrainte pour te demander ton avis. Tirer plus vite que son ombre, il faut pas l'inviter en soirée, ou alors il faut être nombreux. Tu laisses passer en premier, tu vas pas le vexer, il va à peine défroisser toi-même, tu sais que c'est pas joué, tu vas le laisser s'amuser, c'est ton ami Luc et Luc, tu sais. Moi je suis très poli, hein. C'est vraiment la musique de Koh-Lanta, c'est génial. Ils sont 25, ils sont 75, ils sont 92 participants, tous des pays sur une planète surexposée au soleil, dont l'atmosphère est contaminée. Un tiers des océans sont déjà irradiés par les Japonais. On ne compte rien faire, il n'y a pas de solidarité mondiale. C'est la famine, pourtant qu'est-ce qu'on s'en fout. On regarde que chez nous, qu'est-ce qu'on s'en fout. Oh Zemmour, il nous fait rêver que chez nous, c'est chez nous. Et pas chez les autres, il va les renvoyer ailleurs. Avec un mur, ouais, ah ouais, avec un mur. Les tipis ont traversé toute la planète. Ils se sont noyés. Traversé toute la planète, ils se sont noyés. C'est les gars les plus motivés, on les veut pas. Alors qu'il y a que des vieux chez nous, il faudrait un peu d'aide. Les gars, ils sont arrivés. Franchement bravo, on devrait dire bravo, on devrait dire bravo. Au lieu de sortir nos héros, les héros qui vont les taper, ils vont trancher, ils vont que les expulser. Les héros qui vont trancher, ils vont les expulser. Les héros qui vont les taper. Pourtant, c'est la fin du monde. On a besoin d'aide. Pourtant, c'est la fin du monde. On a besoin d'aide. Pourtant, c'est nous, il veut pas de eux. Ils sont plus motivés, ils sont plus baraqués. Ils veulent pas de eux. Ils pourraient les taper, ils vont même pas se mouiller. Ils veulent pas de eux. Les gars, ils savaient pas nager. Oh. Ils veulent pas de eux. Y'a que des vieux dont on veut pas s'occuper. Hey, t'as vu, t'as fait quoi? 6000 balles pour ta couche, peux pas changer. Oh, P.A.E. Oh, le leadership, c'est ça, bref. Le plus que libéralisme, maintenant. Y'a plus d'idéalisme, non. Ton grand-parent, on l'a mangé. On l'a vomi aussi, eh. Pourtant ils ont payé. Pourtant ils ont cotisé. Ils ont cotisé au public, au privé. Ils se sont bien fait bouffer. Ah, j'ai envie de les citer, tu sais. Les inconnus, les rap, qui a tout. Qui rappe tout. Y'a plus rien, y'a plus rien à cracher. Qui rappe, qui rappe, qui rappe tout. Qui rappe, qui rappe, qui rappe tout. Mamie. amis. Vas-y, du paquet, allez. On n'a pas torché. Tu dois quand même racler, non mais. T'as pas de pépite au goûter. T'as que tes yeux pour coupler. Allez, hey. T'as voulu du privé. Fallait les faire rentrer maintenant des côtés en bourse. Oh ouais. J'ai cotisé. J'ai taxé dans son porte-monnaie. Je vais taxer sa couche. Même si elle a bien raqué, elle va rester dans son merdier. Ouais, c'est la mérité. Ouais. C'est les héritiers. On t'a parlé de métro. S'il vous plaît. De méritocratie, merci. Ouais, c'est la loi du marché, ouais. Les compliments, ouais, les compléments alimentaires. Doliprane. Tu restes dans ton caca quand même. Et les copains, vous rendez compte? Et est-ce que vous rendez compte qu'à 6000 balles, tu restes dans ton caca? Je veux dire, une fois que t'as. Moi j'ai pas 6000 balles par mois maintenant que je suis actif. Mais si jamais à ma retraite. J'avais 6000 balles pour my girl, ce qui est impossible. Mais je resterai quand même que dans mon caca. C'est quand même un truc de malade. Heureusement que c'est la guerre. Moi je dis heureusement. Et il reste 4-5 jours pour. Si vous n'êtes pas inscrit sur les listes électorales, quand même, il reste 4-5 jours pour s'inscrire. Hein. Alors il y a un mec qui vend du rêve. Alors, j'ai rencontré plein de petits jeunes qui voulaient pas entendre parler de Jean-Luc, qui t'enculent parce qu'ils te vendent du rêve. Il faut changer le système. Il faut aller voter. Par moi, tu restes dans ton caca à 6000. Par moi, j'ai pas ça. Ah oui, il faut pas se tromper, il faut faire d'autres choses. Moi, j'ai beaucoup manifesté aussi. Je vous invite 6000 œufs par mois. C'est le caca. 6000 œufs par mois. Si t'as des enfants qui payent pour toi. Est-ce que vous avez mal? Un petit Doliprane? Vous n'avez pas mal? C'est pas grave, j'ai quand même vous donner quelques Doliprane. Vous n'avez pas mal? Petite pommade. Un petit Doliprane. Ça irait mieux avec un petit Doliprane. Jean-Luc. De la chance. Jean Luc. On va les faire payer. Pour ce qu'ils ont fait à m'aimer. On va les faire payer. Pour ce qu'ils ont fait à Pépé. On va les faire payer. Ils ont mérité. Ils se sont bien gavés. Il faut. Je me souviens juste de ma reine, de ma marraine. Thank you. J'adore. Thank you. Try me, Triton. Vote. Thank you. avoir éteint le bec Bunsen allemand, il reste plus qu'à faire sauter le petit accident. C'est demain. Manu, il est trop content que les Allemands ils aient pas de gaz, parce que du coup on a un avantage énergétique. And the bright light demain. Fais attention, tu sais à combien tu blastes de ta maison. And the bright light demain. Augmenter, vas-y, viens-y, on te donne quelques points de plus là, 3 points dessus, au moins 4 points là-dessus. Alors je ferai une crise de manque de ninja main. Et j'espère que vous vous souviendrez. La solution c'est un point ad hoc, ad hoc. Utilisateur d'utilisateur ad hoc. Tous les devices qui auront survécu à l'attaque IMP pourront eux-mêmes recréer sans fil un petit Internet en local, Internet en local, Internet en local. Pour qu'on puisse faire de la musique quand ce sera la fin du monde. Un point ad hoc, les copains, regardez maintenant qu'à Internet, regardez-le maintenant. c'est les 20 ans, demain c'est les 20 ans d'un bar. À Toulouse, chez moi, un bar. Un bar militant, un bar qui veut dire. Un bar qui veut dire qui fait pas un bar, qui fait pas semblant. Mais je dois recevoir des champignons et je me demande si je vais pas en manger. Pour les 20 ans, y'a une jam qui est organisée et on m'a invité. C'est sur invitation privée et je me demande si je vais y aller. Mais si je vais y aller complètement champignonné. Ça faisait quand tu n'étais. pas conscient. Quand ça n'était pas conscient de ce que ça faisait. Alors que tu n'en étais pas. Que tu n'étais pas conscient de ce que ça te faisait. Alors que tu n'en étais. N'en étais pas. Moi je suis DJ. Sourire, Flore, c'est terrible. C'est terrible, ça suffit. De t'entendre sourire, ça suffit. Je t'entends sourire, c'est dingue comme je t'entends. Comme je t'entends sourire. C'était cette citation que je voulais faire tout à l'heure. On peut faire ré ou ré ou mi, hein. On peut faire mi. Ah ouais, on fait un piège. En fait, on est en mi mineur, mais on commence en ré et en la. Tu vois, ré majeur, la majeur, mais en fait, la tonalité, c'est mi mineur. Ok, vous êtes d'accord, c'est un piège. On va le faire, je prends le lead un peu. Hein. Un truc un peu grave, tu vois. Faut faire plus grave. Tu vois, ça c'est trop grave. Moi je t'aime, Flore. Et le dernier accord, peut-être Do si vous voulez, je sais pas. Non, c'est nul. Non. La place de Mi, mais pourtant c'est Mi la tonique hein, que j'aimerais dans ma tête. Ah je sais, sauf que je mets la wash en 6-8 et pas un 4, et voilà, ouais. C'est moi, c'est ma faute. Every goal. Mmh.